Section 63 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 63. Les amours de Gilles, livre 2e. Pulcinelle, par Louis Morin. Chapitre 6. Où l'on voit comment finir les amours de Séraphine et de Pietro. Pendant la route, Pietro s'était peu mêlé aux amusements de ses camarades. Il s'était donné la tâche très méritante de retrouver dans Séraphine la femme qu'elle avait dû être au temps de son innocence première, avant qu'elle ne fût corrompue par la morale facile du théâtre. Lorsqu'ils étaient seuls, il avait toujours raison d'elle par sa douceur et son bon sens. Il arrivait même à la faire penser comme lui, et il faisait alors le rêve, impossible à réaliser, de lui rendre la candeur et l'honnêteté qu'elle avait eue autrefois. Il oubliait qu'il appartient à l'homme seul de secouer les souillures du bourbier où la passion l'a entraîné. La femme tombée ne se relève jamais, et l'amour le plus dévoué ne peut rien pour la sauver. Il faut l'abandonner ou s'avilir avec elle. Malgré la cruelle douleur que lui causait cette confidence, il avait voulu savoir quelle avait été la vie de sa maîtresse. C'était la banale histoire des filles qui suivent un comédien et restent au théâtre quand l'acteur les a quittées. Sans cesse, Pietro faisait à Séraphine des questions sur son enfance, sur ses parents, épiant un regret sincère, un retour de cœur vers les choses d'autrefois. Pour un soupir d'ennui quelquefois, il la croyait rachetée. Il ne voyait pas qu'elle avait l'intelligence futile et le cœur oublieux. Était-il possible de lui demander quelque impression durable à elle qui avait presque perdu la mémoire de son premier amant, de cet amant que les femmes aiment toute leur vie et dans les bras de tous les autres? Elle était tout à l'heure présente, malgré son allure décidée et sa vivacité d'esprit apparente. Elle avait besoin qu'une autre personne pensât pour elle, afin de lui épargner cette fatigue. Mariée et riche, elle eût peut-être été très fidèle. Séduite, elle avait été ce qu'on avait voulu, et elle serait toujours ce qu'on voudrait, pourvu qu'elle ne manquât de rien, pourvu qu'elle pût vivre facilement et satisfaire tous les caprices de sa coquetterie. Elle n'avait peur que de la pauvreté. Devant la menace de la misère, elle se reprenait et elle devenait tout ce qu'elle n'était pas, volontaire et industrieuse, jusqu'à ce qu'elle eût trouvé une existence facile où elle pût de nouveau endormir sa paresse. C'est pour cela que le simple Pietro fut heureux pendant le voyage. Bonne promesse, résolution sage, il ne vit pas que tout cela venait de lui et qu'elle le répétait comme une leçon que les lèvres redisent machinalement. Ce fut à Luc, à Pise, à Florence que Pietro assista à la débandade de tous ses bons sentiments. Quand on arriva à Luc, il fallut bien reconnaître que les prévisions de maître Cornelio n'étaient pas fondées, pour cette ville du moins. Les Lucois ne paraissaient pas aimer les masques de Venise. On alla à Pise, de Pise à Livourne, de Livourne à Florence. Là non plus, Pantalon n'était pas reconnu. Ses vantardises bourgeoises ne faisaient rire personne. Il avait beau dire qu'il était un cœur de la Zueca, nul ne connaissait la Zueca. Tartaglia semblait ennuyeux. Le docteur était incompris. Le succès, un bien faible succès, était pour les masques que connaît toute l'Italie. Delio, Arlequin, Pulcinelle, Scapin, le Capitaine, Colombine et Isabelle. À Florence, ce fut bien autre chose. Florence a son Stanterelle. S'il n'y a point de Stanterelle dans la pièce, le public trouve qu'il est volé. Il ne saurait s'amuser sans la compagnie de ce jocrisse Brèche-Dent, qui lui parle toscan et l'amuse avec les choses de son pays. À l'arrivée des comédiens de Venise, Tous les Stanterelles de Florence s'ameutèrent pour les décrier, et les pauvres voyageurs, qui à grande peine avaient trouvé une petite salle, ne virent sur leur banquette que quelques désœuvrés indifférents. L'insuccès énerve les comédiens, et bien plus les comédiennes. Ces gens-là ne vivent pas seulement de pain, mais aussi des applaudissements qu'on leur accorde. 2 mois de malchance suffirent pour jeter la désunion dans la petite troupe. C'étaient des reproches perpétuels, des allusions méchantes, des querelles. Les acteurs accusaient le directeur de l'insuccès de cette malheureuse campagne. Le directeur se vengeait sur tous ceux qu'il pouvait prendre en faute. En quelques semaines, la misère s'abattit sur la troupe. La misère cruelle des gens sans feu ni lieu, et qui, n'ayant pas d'autre gagne-pain que la faveur du public, sont exposés à mourir de faim quand elle leur manque. Ce fut Séraphine qui ne la supporta pas longtemps, cette mauvaise fortune. La première déception de Luc eut raison de son courage et de toutes ses résolutions. Elle fit une vie terrible à Pietro. Ce fut une jérémiade de tous les instants. Ah, ce métier! Mieux valait crever que de monter sur les planches. Ce n'était encore que des plaintes contre le théâtre, la bêtise du directeur, l'injustice du sort, la stupidité des spectateurs. Mais la disette augmentant, elle prit son amant à partie et en arriva bientôt, avec cette logique paradoxale dont les femmes eussent quelquefois à l'accuser de tous les maux dont elles souffraient. Luc est une petite ville, Séraphine, n'avait pas l'occasion d'y trouver des ressources étrangères au théâtre. Elle se fit de cette vertu forcer un mérite qui excusait à ses yeux les écarts de son humeur. À Pise, il y eut une rupture de 2 jours qui laissa Pietro anéanti, accablé par la douleur. Elle eut la cruauté de l'avertir cette fois, de lui dire qu'il n'eut pas à compter sur elle jusqu'au surlendemain. Il ne dit rien, il ne pleura même plus, sa volonté commençait à se briser. Ce fut lui qui, cette fois, alla chercher Pulcinelle et l'emmena dans un cabaret. Et il se grisa délibérément pour oublier, pour n'avoir plus de chagrin. C'était le dernier abaissement. Elle revint 2 jours après, comme elle avait dit. Ils se remirent ensemble, sans qu'il se plaignît et sans qu'elle s'excusât. À Livourne, cela recommença. À Florence, elle fut des semaines sans rentrer au logis. Et toutes les fois qu'elle disparaissait, il s'en allait aussi et passait son temps à boire, roulant à l'ivrognerie dans la société de Pulcinelle et du docteur. 4 mois se passèrent ainsi. On jouait devant quelques spectateurs, on ramassait juste de quoi ne pas mourir de faim. La même pensée venait à tout le monde. Voici octobre qui approche. Les théâtres vont rouvrir à Venise. C'est là qu'on aura besoin de pantalons, de docteurs, de scapins, de pulcinelles. Comment retourner à Venise? Comment, sans ressources, escalader de nouveau les Apennins? Ce terrain maudit où les crêtes se dressent et s'en mêlent comme les vagues d'une mer en furie. Il n'y avait dans la troupe que Séraphine qui eut de l'argent. Séraphine et Léonarde, car la vieille avait repris son service suspect auprès de l'actrice. Mais Léonarde n'avait jamais permis à une main étrangère de plonger dans sa grande bourse de cuir vert. Et Séraphine dépensait tout son argent en colifichets, en fanfreluches élégantes. Elle aurait bien partagé avec Pietro, car elle n'avait pas mauvais cœur, mais elle sentait d'instinct que c'eût été lui faire une injure mortelle. Les idées qu'il avait sur l'honnêteté la laissaient pleine d'étonnement, et cependant elle les respectait, comme une chose supérieure et qu'elle ne pouvait comprendre. Pourtant, elle commençait à souffrir de la misère de son amoureux. L'habit presque neuf qu'il avait au départ de Padoue s'était usé aux coudes, limé aux coutures. Elle trouvait des prétextes pour ne plus sortir avec lui, pour le voir seulement au théâtre et à l'auberge, le soir, quand elle y rentrait. Et s'il était malmené par sa maîtresse, le pauvre Pietro Il ne trouvait guère de consolation dans la société des comédiens. Cornelio surtout était féroce pour son majordome. « Dis donc, l'abbé, on avait pris l'habitude de lui donner ce surnom. Il n'y a plus rien dans la caisse et je n'ai plus de compte à régler. Je ne vois pas à quoi tu nous sers. Si tu t'en allais. » « S'en aller ? Où cela ? Maintenant qu'il était si loin de son pays, que pouvait-il faire ? Devenir vagabond ? Vivre au hasard ? Mendier peut-être ? Non, il fallait bien qu'il restât, malgré les mauvaises humeurs et les mauvaises paroles. Il cherchait à se rendre utile tout de même. Il s'abaissait à des travaux de valet. Il balayait la salle, préparait les lampes, devenait l'aide, l'égal du maître coq. Un soir, comme Séraphine arrivait au théâtre, elle entendit Cornelio qui criait « Allons, l'abbé, va allumer les chandelles, et plus vite que ça !» Et il allait, obéissant à l'ordre donné. Ce soir-là, elle ne lui adressa pas la parole. Comme il était changé, les chagrins, la mauvaise nourriture, les nuits sans sommeil, les mauvaises boissons qu'il prenait avec ses deux camarades, tout cela l'avait amaigri, pâli. Il ne restait rien du joli garçon à figure rose qui avait séduit Séraphine. Ce soir-là, elle s'en aperçut et l'amour qu'elle avait encore pour lui s'envola tout d'un coup. Elle quitta précipitamment la coulisse avec Léonard et en descendant l'escalier, elle lui dit « Tu sais, j'en ai assez de cette baraque et de Pietro aussi. » « Ça se trouve bien, ma fille, » dit Léonarde toute joyeuse. « J'avais justement quelque chose à te proposer. » Et le lendemain, on apprit que Séraphine était partie pour Naples, au mépris de son traité avec Cornelio, enlevée par un directeur malhonnête qui s'était épris de son talent et de sa beauté. Fin de la section 63, lue par Margot.